son visage, son corps, son regard m'a tué. Hypnotisé par sa voix, elle ne m'a pas raté. Je n'arrive toujours pas à y croire, même à l'heure actuelle. Je suis bouche bée, la nuit je ne rêve que d'elle. Pas le temps de s'effacer, pas le temps de l'effacer, de me casser. Je peux pas s'en enlacer, comment veux-tu s'en embrasser? Je peux pas la laisser dans le passé. Dis pas ça comme ça, tout ça, ça vient du fond de mes pensées. Quel est ton nom, parle-moi de toi, de tous tes mystères. Je ferai tout, je serai là pour te distraire. Je ferai tout pour te satisfaire, je crois que j'ai succombé. Je ne sais plus quoi dire, je suis bouche bée. Yeah. She's giving me the way she's teasing. Got me weak, yeah. I can't explain. The reason she's got me weak because I'm speechless. I'm speechless. I'm speechless. Aucune nouvelle d'elle, mais le temps passe et passe à la recherche de sa trace, avant qu'elle ne s'efface, avant que je m'en fasse, avant qu'elle ne s'en lâche. Je me sens si seul, je fais du sur place. Jusqu'à soir où par hasard, la tête dans les nuages, le bonheur m'est apparu quand j'ai croisé son beau visage. Dans ma tête c'était l'extase, je me suis cru dans un mirage, gagnant d'un tirage. Elle me regarde, me sourit, prête à s'approcher. Pas besoin de parler, nos regards se sont accrochés. J'ai senti ses lèvres sur les miennes, je veux qu'on s'aime, toute ma vie sur la tienne. La mienne c'est la sienne, ouais. She's giving me the way she's teasing. Got me weak, yeah. I can't explain. The reason she's got me weak because I'm speechless. I'm speechless. I'm speechless. Get it out, get it out, get it out, get it out. I'm speechless. Get it out, get it out, get it out, get it out. I'm speechless. Get it out, get it out, get it out, get it out. She's giving me the way she's teasing. Got me weak, yeah. I can't explain. The reason she's got me weak because I'm speechless. I'm speechless.